Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhadna ams mas'alat at-tasmiya qabla al-wudu. Fama al-hukm? Istihbab at-tasmiya qabla al-wudu. Naam, istihbab at-tasmiya qabla al-wudu. Tadallu bimada? Alladhina qalu bil-istihbab? Tafaddal. Bil-hadith wa law anna ahadakum idha ata ahlihi فقال بسم الله. نعم إذا أتى أهله قال بسم الله الحديث في الصحيح. لماذا الإمام البخاري لا يستطيع أن حديث أوضح أي النص؟ لماذا لا يستطيع دليل في غير الوضوء؟ أولا ما في دليل صريح. أحسنت. نصوص صريحة واضحة لكن ضعيف. هذا في الصحيح أنها مستحبة. كذلك دليل من القرآن. Un dalil dans le Coran avec le bab de l'imam Bukhari, le hadith plus le dalil. Inch'Allah, l'istidlal il est qawi. Ma hiya l'ayah? Faddal. Naam. Ahsan. Ma dakara al-basmala, al-tasmiya. Et nous avons dit que ce verset, les ulama, ils ont montré que c'est le wajibat al-wudu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas cité At-Tasmiyah, ça montre que c'est une sunna. Aujourd'hui on lit une nouvelle mas'ala, se laver les mains trois fois au départ. Donc après Hukm Aubab al-Miya qui avait rapport avec l'eau, on a détaillé le premier dars, Thumma al-Niyah, Thumma al-Tasmiyah, Thumma al-An, il commence par les mains. Qala istihbab ghusl al-kaffayn قبل ادخالهما بالإناء. Avant de rentrer les mains dans le récipient, se laver les mains trois fois. On va diviser nahnous bab en deux. Se laver les mains trois fois au début. Hada wadih, on va voir que c'est une sunna. Thumma on va détailler la mas'ala, se laver les mains après cette réveillée. Vous allez voir que Cheikh Hayla a cité les deux. Inch'Allah, on essaye de détailler surtout la deuxième mas'ala. قال ابن كثير رحمه الله ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم. Cela avait les mains trois fois et après le réveil plus recommandé. Il y en a pendant ce sommeil, ربما ses mains ils ont touché une najasa. Donc nous on commence par la première masala. La première masala est se laver les mains trois fois sans parler de sommeil, cette réveil. Au début de l'eau d'eau, tu te laves les mains trois fois. قال لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حديث صحيحين إذا واضح. قلت وسيأتي بالمنتقى وفي الباب حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. أخرجه النسائي وأحمد وهو حديث صحيح مع ما في الباب. قال وفي البخاري ومسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه il leur a montré comment faire le wudu. Il a commencé par se laver les mains trois fois. Au départ de le wudu, tu as ton récipient, tu te laves les mains trois fois. Uthman Nafan, il s'est lavé les mains trois fois. Thomas, il s'est lavé la bouche avec le nez. Thomas, trois fois le visage. Il a fait le wudu jusqu'au pied. Thomas, il leur a dit, Hakada ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait hakada l'wudu. C'est pour ça que Cheikh Yahya قال ثم رفعه الى رسول الله اي رفع الحديث. Il a fait l'wudu, il leur a dit j'ai vu le prophète sallam faire hakada. Fa c'est un hadith marfou. Uthman ibn Affan, il leur a dit le rasoul il a fait comme je viens de faire. Donc se laver les mains trois fois c'est une sunna. قال الامام النووي رحمه الله في شرح الصحيح باب صفه الوضوء قوله فغسل كفيه ثلاثا هذا فيه دليل أن غسلهما في أول الوضوء سنة وهو كذلك باتفاق العلماء. C'est pour ça que Cheikh Yahya Abid Allah il n'a pas détaillé, اكتفى بهذا أنه نقل الإجماع. Et تعلمون أن الإجماع c'est une حجة. نقل الإجماع أن se laver les mains trois fois au début c'est une sunna. après s'être lavé la bouche et le nez, le visage, se laver les bras jusqu'au coude. Il est wajib. Aïe, se laver les mains jusqu'au coude. Il ne faut pas confondre avec cette masala l'un. Le premier, laver les mains trois fois, c'est une sunna. C'est-à-dire, tu peux commencer directement par la bouche. Ton wudu, il est sahih. Les mains, après la bouche et le nez, le visage, tu as le lavage des bras. Lakin, il ne faut pas oublier les mains. Les mains, via al hal, cette étape, c'est wajib. Les mains jusqu'au coude. Enfin, ce lavage, la main jusqu'au coude, il est wajib. Après la bouche, le nez, le visage. Les mains qu'on a, c'est au départ. Quand tu as le récipient, tu te laves trois fois. Ça, c'est une sunna. Ne pas confondre. Ces mains, c'est obligatoire après le visage. Les musulmans, ils font un khata, ils font le dos, Thomas, ils se lavent que comme ça. Pardon, il commence au poignet jusqu'au coude. Il fait comme ça, c'est tout. Là, al-wajib, c'est la main jusqu'au coude. Les trois premières fois, les mains, c'est une sunna, c'est pas wajib. On a précisé et on verra. On verra cette masala quand on arrivera à page 66. Qawlullah azza wa jal wa aydiyakum ila al-marafiq. Incha'Allah ta'ala. À la kulli hal, vous avez compris, on a se lavé les mains trois fois au départ de l'eau au début. C'est une sunna, c'est pas wajib. Naqala l'imam al-Nawawi rahmatullah alayhi à l'ittifaq. Ittifaq al-ulama. Al-an, se laver les mains après s'être réveillé. Anna, c'est pas pareil. Tu peux faire l'eau et t'étais pas réveillé. Tu te laves trois fois les mains, c'est une sunna. Lakin al-an, après s'être réveillé. Qala alayhi sallam, idha staiqada ahadukum min nawmihi, fala yadkhul yada. Al-an, ya nahi. Qabla an yaghsilahuma thalathan. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yanha, qu'on rentre nos mains dans le récipient, sauf si on se lave trois fois. Page 157. Fath al-Allam al-Mujallad al-Awwal. Hadith numéro 35. Qala wa anhu ay Abu Huraira radiyallahu anhu idha istayqada ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadah fi al-ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduh muttafaqun alayh wa hadha lafd muslim. Vous avez remarqué que il change par rapport à notre lafd. Nahnu idha istayqada ahadukum min nawmihi fala yadkhul yadahu bil ina. فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ بِلِنَا هُنَا لَا يَدْخُلْ هُنَا لَا يَغْمِسْ. C'est le même معنى. هذا سلف مسلم نحن ربما on a لفظ البخاري. على كل حال حديث il est واضح. إذا استيقظ أحدكم, si l'un d'entre vous il se réveille, فَلَا يَغْمِسْ, il rentre pas ses mains dans le récipient, il se lave les mains trois fois. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم il a cité la cause. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Il sait pas ses mains elles étaient où quand il a dormi. Nous, on a vu se laver les mains trois fois l'eau d'eau au départ, c'est une sunna, mustahab. Al-an, quand tu te lèves, bihad al-qaïd, quand tu te lèves, qala dhahaba jumhur ahlul ilm ila l'istihbab. La majorité des savants, ils disent que c'est mustahab. Qala wa anna nahi an ghams al-yad fil yad fil ina qabla ghasliha nahi tanzih. Naam. Falihada, nous, on a précisé, on a dit, huna ya nahi, fala yaghmis, ou fala yadkhul, ya nahi. Jumhur ulama, ils ont dit nahi c'est min baba at-tanzih. Aïe, c'est makro, faqat. Le mieux, c'est de se laver les mains. Hada, c'est un qawl. Qala wal qarina as-sarifa 'indahum 'an al-wujub dhikr al-'adad. Trois fois. Pour eux, ça montre que c'est pas wajib. Il y en a même l'eau lui-même, trois fois, c'est pas wajib. La'allahu yurid hada. On va voir, nahnu une mas'ala. Est-ce que c'est obligé de, quand tu fais l'eau, tu te laves les membres trois fois? On va voir, à la sahih, c'est pas obligé. Al-wajib, c'est une fois. Al-an yaqulun, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, celui qui se lève, il se lave les mains trois fois, ça montre que c'est une sunna. Léana, ça serait obligé, il aurait dit une fois. Hada fi nazar. Qala fa inna dhikrahu fi ghayri an-najasa al-ayniyya dalilun nad. Wa li annahu 'allala bi amri yaqtadi ash-shak. Naam, léana, il est pas sûr. Fa innahu la yadri ayna batat yaduh. La haqiqa, il se lave les mains. Il n'a pas de dalil qu'il ait une najasa dans les mains. Lakin, c'est min bab l'ihtiyat. Eux, ils ont dit donc c'est mustahab. Il n'y a pas de najasa. Donc c'est mieux, pour s'écarter du doute, tu te laves les mains. Ils ont conclu annahu c'est mustahab. Qala wa li annahu 'allala bi amrin yaqtadi ash-shak wa ash-shak la yaqtadi al-wujub fi hadha al-hukm istishaban li asl at-tahara. Ils sont basés en l'asl, c'est at-tahara. Donc ils font un dalil pour démontrer qu'il y a une najasa. Maintenant, tu as dormi. Le asl, c'est tema, il n'y a pas de najasa. Tu dors. Tu te lèves, il y a un doute. Il y a un ihtimal. C'est possible. Fa'liyada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'innahu la yadri, ayna batat yaduh. Ils ont dit donc, Al-Asl, c'est qu'on reste qu'il est à la tahara. Donc se laver, c'est mustahab. Il n'y a pas de najasa, c'est ça l'asl. قال وذهب أحمد في المشهور عنه أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوي وأهل الظاهر أهل الظاهر ونبيدي المراد داود الظاهري السكين المصوبي بن حزم ابن حزم قال لظاهر الأمر في حديث الباب وهو ترجيح ابن حزم والصنعاني ثم ابن عثيمين وغيرهم هؤلاء ils ont dit c'est واجب قال وهذا هو الصحيح والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس فلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم نهى ça montre que c'est واجب de se laver les mains avant de rentrer tes mains dans le récipient après le nom فلهذا قال الشيخ وذكر العدد لا يدل على عدم الوجوب صحيح il y a des واجبات il y a un عدد كبير ça ne veut pas dire que c'est cité trois fois donc ce n'est pas obligatoire لا الوجوب c'est un حكم شرعي لا بد من دليل قال وكذا التعليل بالشك لا يدل على عدم الوجوب لا شك ان الحديث on est tous d'accord ان celui qui se lève il a un doute peut-être que ses mains ils ont touché une najasa peut-être que il a mis ses mains dans un endroit peut-être marou لكن est-ce que ça veut dire ce doute ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احد من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا ça veut pas dire que c'est واجب لا فالقول بالوجوب القول كذا شوزي شيخ نعديمين والإمام الصنعاني والله أعلم إلي أقرب se laver les mains trois fois au début de l'eau d'eau sans مسألة نوم c'est مستحب après s'être réveillé مثلا صلاة الفجر t'as dormi toute la nuit ثم tu te réveilles tu veux faire l'eau d'eau tu te laves les mains trois fois هذا c'est واجب une autre مسألة et c'est la deuxième هل يشمل هذا الحكم نوم النهار عندما تفضل est-ce que C'est pareil, la nuit et la journée. Les mains là. Ahsant aina batat wal mabit, c'est pour le layl. Et c'est ça qui a poussé au khilaf. Il y a un anabi aina batat yedo. Il ne sait pas où sa main était pendant la nuit. Il y a un mabit, c'est pour le layl. Ben vous allez voir que Ba'd al-Ulama, ils ont dit c'est khas pour la nuit. Ils se sont appuyés sur ça. Ba'd al-Ulama, ils ont dit là. النبي صلى الله عليه وسلم يقول باتت يده لأن الأصل في النوم سي لانوي أما لا شك سنغلب النهار لأن يلا ميم علة سيكون خلال سيزال خلال قال ذهب الجمهور إلى تعميم الحكم في نوم الليل la majorité ils ont dit que ça englobe الليل قال والنهار la journée كذلك et c'est un قول قوي لماذا لأن le risque c'est le même واستدلوا بقوله من نومه ça englobe نوم الليل والنهار فهو يشمل نوم الليل والنهار وقاس نوم النهار على نوم الليل سان قول طيب قال وذهب أحمد وداود إلى اختصاصه بنوم الليل لقوله في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم باتت يده قال لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل أي في الليل إلى passé la nuit وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم من الليل يعني رواية Elle est sahiha. Ida qam ahadukum min al-layl. Elle est sahiha. Si quelqu'un de vous se réveille la nuit, il se lave les mains trois fois. Et haqiqa qawlu ayna batat yaduh kadhalik. C'est une ishara pour la nuit. Lakin hada il est sahiha. Wa li abi awana fi riwaya saqa muslim isnadaha ida qam ahadukum ila al-wudu hina yasbih. Et si quelqu'un de vous, il se réveille et après avoir passé la nuit, hina yasbih. Et après avoir passé la nuit le matin. قال وهذا القول هو الراجح والله أعلم شيخ حزام إلى شوازي لدوزيم قول أنه خاص pour la nuit في الحقيقة القول الأول إلى قوي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الآن لماذا il nous ordonne de se laver les mains avant de rentrer les mains dans le récipient إلا parce que ta main tu ne sais pas est-ce qu'elle a touché une najasa أم لا الحقيقة celui qui dort خاصة la journée خاصة un long sommeil il est fatigué الحقيقة العلة c'est la même قوله فإنه لا يدري أين باتت يده أو تلئ أدلة في الليل الجمهور vont dire النبي صلى الله عليه وسلم il a parlé de nuit لأن c'est l'asl الآن la majorité des gens ils dorment la nuit et le nom vous avez remarqué dès que tu parles de dormir c'est lié avec la nuit quand tu parles de nom tu penses plus à la nuit que la journée معروف هذا الحقيقة القول أنه يشمل الليل et يشمل النهار كذلك الذي يظهر أنه il est طيب et pour ce genre de khilaf الآن أنت Pour fermer les portes, tu fais la nuit et la journée. Et celui qui fait que la nuit, là, il y a un karalay. Les hadiths, ils ont précisé la nuit. Et celui qui fait les deux, bah, Inch'Allah, il a fermé les portes. Hatta yartah. بقي الماء c'est la quatrième masala قال المسألة الرابعة حكم الماء إذا غمس فيه يده il ne s'est pas lavé les mains trois fois il n'a pas appliqué cette sunna cette sunna qui est wajib comme on a vu quand on dit sunna ça ne veut pas dire que ce n'est pas wajib sunna c'est plus vaste الآن il a un récipient il ne s'est pas lavé trois fois les mains il rentre directement ses mains dans le récipient ثم il se rappelle est-ce que l'eau on peut l'utiliser قال النووي في شرح المهذب قال إذا غمس يده وهو شاك في نجاستها قبل غسلها فلا ينجس الماء بل هو باق على طهارته ويجوز أن يتطهر به هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة il a un doute il y en a il y a le risque il a dormi c'est pas ses mains est-ce qu'il y a une najasa ou pas il y a ce risque لكن il commence son doute ثم il se rappelle est-ce que l'eau elle est tahira il peut faire le doigt avec كافة العلماء tous les ulama ils ont dit non l'asl c'est qu'il n'y avait pas de najasa il reste sur l'asl si quelqu'un a vu une najasa ou il a senti ou il lui dit amma si il n'a rien vu là l'asl c'est hala lakin il a délaissé ce wajib quand il dit il a oublié s'il a oublié la chéali rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana idha ta'ammad al-qawl qu'on a choisi annahu c'est wajib il est athm al-qawl annahu c'est mustahab il a délaissé une sunna et il n'a pas de défaut ça dépend ça revient au khilaf au départ قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري فلهذا إلى بسة الإجماع لا بد أجمع أو الاتفاق إلى ذي العلماء كافة tous les savants sauf الحسن البصري أي الحسن البصري الآن s'il a خالف dans cette مسألة رحمه الله il n'y a pas إجماع لأنه c'est un إمام في السنة فالمسألة tu dis قول كافة العلماء عامة العلماء sauf الحسن رحمة الله عليه قال الحسن ينجس إن كان قام من نوم الليل Vous avez remarqué, Al-Hazan, il a fait la différence entre Naum al-Layl et Naum al-Nahar. Enfin, il a dit, si il se réveille, mais Naum al-Layl, et il ne s'est pas lavé les mains trois fois, il rentre ses mains dans le récipient, il doit changer d'eau. Ah, là, c'est pas sahih, il y a un asl fil ma, c'est tahar. Le ma, il est plus tahir, comme on avait au départ, si l'odeur, elle change, ou le goût, ou la couleur. Binajasa. Amal an, l'eau, elle n'a pas changé, bihada. Il y a un doute, faqat. Et le doute, il ne peut pas remplacer, il ne peut pas passer devant le yaqin, devant quelque chose de sûr. قال ينجس إن كان قام من نوم الليل وحكي هذا عن إسحاق بن راهوي محمد بن جرير وداود وهو ضعيف جدا. Donc كافة العلماء sauf الحسن كذلك حكي. Vous avez remarqué que par rapport à الحسن, الشيخ il a cité بالجزم ما حكى أصحابنا عن الحسن. كأنه il est sûr الإمام النووي أن الحسن il a dit ce كلام أما إسحاق ومحمد بن جرير وداود il a dit حكية أي on a rapporté est-ce que c'est صحيح عنهم أم لا الله أعلم لكن يا ce قول أنهم ils ont خالف في هذا فقول كافة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم ils ont dit أن l'eau elle reste valable ولو si c'est pas lavé les mains trois fois tant qu'il n'y a pas une نجاسة إلا الحسن البصري وحكية عن إسحاق ومحمد بن جرير وداود وهو ضعيف جدا لماذا؟ قال لأن الأصل طهارة الماء واليد c'est ça l'asl tu t'es réveillé c'est que tes mains elles sont tahira il n'y a pas de najasa sauf si quelqu'un te montre مثلا قال فلا ينجس بالشك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن أن يقال الظاهر من اليد النجاسة نعم هذا c'est واضح أن الأصل c'est que la main et l'eau il n'y a pas de najasa كذلك le doute ça ne remplace pas اليقين اليقين c'est que ta main est à la tahara et l'eau كذلك ثم le doute on ne peut pas délaisser quelque chose de sûr pour الشك Inch'Allah demain on continue ce dors بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك